Effectivement, tu peux entendre tout ce qui se passe au micro, mais je vois pas comment brancher cette basse. On entend là? On entend? Ah putain, mais je peux pas aller sur Mojave, je suis sur Catalina. Je peux pas régresser. Oui, mais j'ai le micro, mais ma basse, elle passe via la carte son externe. Comme c'est que des gros jacks, ça rentre pas dans le Mac. Il a qu'un tout petit trou, lui. Ah. Merci, Titi. Tu vas voir quand je vais venir te voir. Ça va chier. Ben, c'est un petit Mac, quoi. Je suis en version 10-15. T'as encore déménagé? Non, t'as pas quitté cette belle maison. Aïe! Private! Mais non, mais c'était le Mac de ma boîte, alors je l'ai récupéré. J'allais pas le jeter. Attends, le mandataire, il voulait déjà tout piquer. Je l'ai planqué celui-là. Je suis pas une voleuse parce que en plus c'est moi qui l'ai payé. C'est quand même débile, non? C'est con, ça c'est con. Je le mets où le jack de la basse? Et en plus, je crois que même le jack du. Bah non, le micro, bah non, y a pas de jack dans le micro. Windows. Tu sais quoi? Je sais même plus faire ça en fait. Je crois que j'ai une overdose de computer. Et là, je viens de regarder que mon tone-port, je pouvais le mettre sur Mojave. Mais apparemment, Mojave, c'est une version encore inférieure. Et là, il y a 3 jours, j'ai fait une mise à jour. Je suis sur Catalina, version 15. Avec les disquettes. Non, mais sinon, il faut que je me remette sur mon portable. Hein. Il est sous Windows. Et puis, sauf que je ne l'ai pas sous. Je ne peux pas le mettre. J'ai plus de place. Après, je me mets où pour jouer? Putain, vous faites chier. J'ai un PV à payer. Tu veux pas me le payer? Putain, ces enfoirés pour 1 km au-delà.